Section 55 de La lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La lecture, tome 3e. Section 55. Les chiens militaires par le lieutenant-colonel Hennebert. La question des chiens militaires est actuellement à l'ordre du jour. On vante, non sans raison, la valeur des services divers qu'une petite bande d'animaux bien dressés peut rendre à des troupes en campagne. On préconise l'excellence du procédé et l'on se plaît à en attribuer la découverte à tel ou tel officier ou soldat. Ici l'on se trompe et la discussion s'égare. Il est acquis à l'histoire que le chien fut, de tout temps pour l'homme, un utile compagnon d'armes, que les guerriers de tous les âges l'ont employé à titre de gardien, de combattant auxiliaire, d'agent de reconnaissance ou de correspondance. Il est bon, professaient les Romains, d'entretenir à l'intérieur des forteresses des chiens de race qui éventent à distance la venue de l'ennemi et en signalent l'approche par des aboiements significatifs. Les chiens romains ont parfois manqué de nez et d'ouïe, témoins ceux du Capitole qui ne surent pas donner de la voix à l'heure de la surprise tentée par les Gaulois, nos ancêtres. Ce sont des oies qui firent, cette nuit-là, leur service de garde. Aussi leurs descendants ont-ils longtemps porté la peine de ce défaut de vigilance. L'anniversaire de l'événement était toujours solennisé par une mise à mort de chiens qu'on empalait vivants sur des fourches de bois de sureau, non loin du temple de la jeunesse. En revanche, dit Montaigne, les censeurs avaient grand soin de la nourriture des oies sacrées, par la vigilance desquelles leur Capitole avait été sauvé. Les cimbres et les teutons confiaient à de gros dogues la garde de leurs chariots, sorte de citadelle mobile. À l'issue de la journée d'Aix, les légions victorieuses de Marius furent longtemps avant de pouvoir s'emparer du camp des barbares, tant les chiens de ceux-ci en défendaient vigoureusement l'approche. Les Grecs affectaient une dénomination spéciale au peuple qui entretenait, à titre de combattants auxiliaires, des phalanges ou légions de chiens. Ils les appelaient cynamines. De ce nombre étaient les Perses, les Ioniens de Colophon, les Hyrcaniens, Mazandéran, les Magnésiens, Thessalie orientale, les Cimbres, les Celtes, les Berbères et les gens de la Tripolitaine. Cyrus, Massinissa, Vercingétorix avaient pour garde du corps des meutes de dogues très sûres et d'une fidélité à toute épreuve. Quelques cynamines munissaient leurs molosses de bonnes armes défensives. Un bronze antique est venu jusqu'à nous, qui représente un chien cuirassé. Les Gaulois mettaient en ligne des équipages de chiens portant non seulement la cuirasse, mais encore un collier hérissé de clous ou pointes de fer. Quelques chiens de guerre se sont fait un nom dans l'histoire. Entre autres, le chien de Xantippe, qui, lors de la bataille de Salamine, se jeta résolument à la mer en aboyant à l'ennemi. Non moins célèbre est le chien de Marathon, qui se battit contre les Perses et n'abandonna la lutte qu'après avoir été tout couvert de blessures. Aussi partagea-t-il avec Cynégyre, Épisèle et Callimaque la gloire de figurer au tableau du peintre Micon. Comme l'Antiquité, le Moyen-Âge eut ses chiens militaires, notamment des dogues cuirassés dressés à donner contre la cavalerie. Ces combattants auxiliaires étaient revêtus d'une cotte de maille et d'un corselet de fer auquel était fixée une lame de faux et un pot à feu. Les morsures, les coupures, les brûlures avaient vite raison des chevaux de l'ennemi. C'était là ce que nos aïeux appelaient faire la guerre des chiens. L'émeute des chevaliers de Rhodes était tout particulièrement renommée. Au cours de leur guerre d'Amérique, les Espagnols formèrent de véritables armées de chiens. Ils leur donnaient, dit Montaigne, charge non d'un mouvement simple, mais de plusieurs diverses parties au combat, auxquelles les Espagnols payaient solde et faisaient partage du butin. Et montraient ces animaux autant d'adresse et de jugement à poursuivre et arrêter leur victoire, à charger et reculer selon les occasions, à distinguer les amis des ennemis, comme ils faisaient d'ardeur et d'âpreté. Christophe Colomb sut mettre en déroute plus de 100 000 Indiens, moyennant l'emploi de 150 fantassins, 30 cavaliers et une soixantaine de chiens de guerre. Ultérieurement, le régime de chiens de Vasco Nunez étrangla, à lui seul, plus de 2 000 de ces malheureux Indiens, auxquels on donnait la chasse comme à des pièces de gibier. Les dogues espagnols furent certainement pour moitié dans l'œuvre de la conquête du Mexique et du Pérou. Les annales de ce temps nous ont gardé le nom du chien Berecillo, auquel on donne une haute paye et double ration. Au combat de Caxamalca, les chiens de Pizarre se comportèrent si vaillamment que la cour d'Espagne leur assura une solde, laquelle leur était régulièrement payée, ainsi qu'aux autres troupes. Ces forces canines avaient souvent à tenir tête à d'innombrables bandes de molosses péruviens. Ainsi que les Espagnols, les Suisses du XVe siècle avaient des meutes de guerre. La journée de Grandson débuta par un engagement de chiens vaudois et de chiens bourguignons. À Morat, Charles le Téméraire eut une légion de dogues détruite par des bandes de molosses des Alpes, amenées sur le terrain par les confédérés. Durant leur longue lutte du XVIIIe siècle, les Turcs et les Bosniaques étaient secondés de bandes de chiens obéissants respectivement aux commandants des armées en présence. L'histoire d'Angleterre fourmille de récits de batailles au cours desquelles des bandes de chiens écossais ont tenu un rôle important. Henri VIII, ayant un jour à expédier à Charles Quint quelques contingents de troupes d'infanterie, y joignit un équipage de 400 dogues de race finlandaise. À la bataille de l'Alma, les Highlanders avaient des bulls qui se jetaient à la gorge des Russes. Les fusiliers de la garde royale s'étaient fait suivre d'une jolie bête qui prit part à toutes les actions de vigueur livrées sous Sébastopol. Au retour de Crimée, le jour de la revue d'honneur, Bob, c'était le nom du caniche, défila fièrement en tête de sa compagnie sous les yeux de la reine Victoria. Ultérieurement, on fêta à Londres les gloires d'un énorme chien que son maître avait emmené chez les Achantis et qui s'était maintes fois distingué pendant l'expédition. Il se rua un jour sur les rangs d'épouses de l'ennemi, y fit choix d'une victime, la mit hors de combat et la traîna triomphalement jusqu'au pied de Sir Garnet Wolseley. La brave bête eut ensuite à soutenir plus d'une lutte contre ses semblables, car les Achantis ont aussi des équipages de chiens de guerre, qu'ils appellent mébises. À l'état sauvage, ces mébises se réunissent par troupes de 30 ou 40 et chassent de concert les grands fauves. Ils sont roux, avec une raie de mulet sur le dos. La nuit, on les entend pousser des hurlements épouvantables, analogues aux appels des loups. Une fois dressés, ils n'aboient plus. Pendant la guerre de la sécession des États d'Amérique, le général Taylor lançait sur l'ennemi des brigades compactes de Bloodhounds, chiens sanguinaires. Nos armées nationales ont eu aussi leurs chiens célèbres. Citons les noms de Mustapha, l'un des héros de Fontenoy, de Moustache, qui prit vaillamment part aux batailles de Marengo et d'Austerlitz, de Patte Blanche, qui, en Portugal, sauva le drapeau du 116e de ligne, de Mofino, qui fit, d'un bout à l'autre, la campagne de 1812, de Magenta, le chien des oives de la garde, auquel étaient dévolues les fonctions d'infirmier-major, de Médéa, et de Gallimafré, dog énorme qui enlevait de temps à autre un arabe, etc., etc., etc. Ce que l'on se propose aujourd'hui, c'est uniquement de se servir de chien à titre d'agent de reconnaissance et de correspondance. Les premières expériences ont réussi, dit-on. À cela rien d'étonnant, car un dressage dans ce sens est chose extrêmement simple. Il est facile, en effet, d'apprendre aux animaux qu'on emploie à distinguer l'ami de l'ennemi, à flairer de loin, à dépister l'un et l'autre, à porter secours aux blessés, etc. Les entraîneurs n'ont qu'à suivre la méthode des religieux du grand Saint Bernard. Aucune difficulté non plus à faire comprendre aux chiens qu'ils aient à se rendre d'un point à un autre point déterminé. Les contrebandiers font cela tous les jours. On est donc en droit de compter sur l'exécution d'un bon service de transport des dépêches. Mais ici, une question se pose. Dans quelle limite de parcours les animaux peuvent-ils ainsi faire le courrier? Quelle distance sont-ils capables de franchir à travers des régions inconnues? Au cours du siège de Paris, M. Hurel était parti en ballon avec 5 chiens de bonne race, à l'œil franc, à la physionomie intelligente. Il espérait que les braves bêtes sauraient rentrer dans la ville assiégée avec quelques dépêches insérées dans leur collier de cuir. Les chiens ont été lancés, on ne les a jamais revus. Une autre expérience faite dans ce sens aurait-elle quelque chance de succès? Il est permis d'en douter, professent les gens compétents. Certains chiens, disent-ils, font, il est vrai, de grands voyages et promptes à s'orienter, reviennent au logis. Mais il faut observer que, partis à pattes, ils ont pu prendre connaissance de la route, que leurs observations de l'allée les guident lors du retour. En ferait-il autant après un transport en ballon? Aurait-il un instinct pareil à celui des pigeons voyageurs? Nous ne saurions nous prononcer à cet égard. Un fait seulement. venu de Philippeville à Alger par le bateau des messageries, un père missionnaire avait emmené son chien. À Alger, le chien perdit son maître, ou, du moins, le manqua à l'heure du rembarquement. Que fit la brave bête? Elle revint par terre, d'Alger à Philippeville. Et la côte est longue, ma foi. Fin de la section 55. Lue par Stéphanie.